Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 novembre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Le gouvernement du Burundi rejette le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, rendu public le 15 novembre dernier, faisant état de graves violations des droits de l'homme depuis le déclenchement de la crise au Burundi en avril 2015. Dans une déclaration faite ce vendredi, le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba qualifie ce document d'insultant pour le Burundi. Et c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Une des associations nationales de lutte contre ce fléau affirme que le nombre de victimes de ce genre d'abus va croissant, surtout dans les zones de Kinama, Cibitoke et Kamenge, en mairie de Bujumbura. Et une fille originaire d'un quartier de la capitale, Bujumbura, est récemment rentrée paralysée en provenance d'Oman. Une association locale de lutte contre le trafic des êtres humains demande au gouvernement de suivre de près le mouvement des filles envoyées dans les pays arabes. Et d'intenses pluies mêlées de grêle tombées l'après-midi de ce jeudi dans les communes de Rusaka et Mugamba, respectivement en Provence et Bururi et Mwaro, ont endommagé les cultures. Les victimes de ces intempéries demandent de l'assistance. Et toujours dans les nouvelles des provinces, un garçon de 7 ans qui avait été kidnappé à Rutovu il y a un mois a été récupéré en commune Gishubi de la province Gitega par la police de Rutovu en province Bururi. Mais son corps regrette de n'avoir pas pu mettre la main sur ses ravisseurs. Voilà pour le sommaire de ce journal, mise en onde par Toussaint Mitevoutsi. Rebonjour et bonne condition d'écoute. Le gouvernement du Burundi rejette le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, un rapport qualifié d'insultant pour le Burundi. Dans une déclaration du porte-parole du gouvernement ce jeudi, Philippe Nzobonariba a indiqué que la FIDH a collaboré avec le président de la Ligue ITK qui a travaillé comme les autres organisations qui, dans leur mission, ont mis devant la déstabilisation du pays. Philippe Nzobonariba trouve que le rapport veut faire endosser un génocide imaginaire au peuple burundais. La Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en collaboration avec la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, sous la plume de son président, vient de sortir un rapport insultant pour le Burundi qu'ils ont intitulé « Burundi, répression aux dynamiques génocidaires ». Le titre lui-même est révélateur de l'état d'esprit de ces organisations qui se disent défendre les droits humains, mais qui en réalité ne se sont jamais distancés des autres organisations politiques qui se sont données pour mission de déstabiliser et détruire le Burundi. Ce rapport est donc une tentative supplémentaire de déstabilisation contre les institutions démocratiquement élues de la République, en voulant faire endosser un génocide imaginaire au peuple burundais et à ses dirigeants. Une véritable insulte donc pour le peuple burundais qui s'est librement doté de ses institutions. D'une manière générale, ce rapport n'est qu'une compilation d'autres rapports biaisés déjà produits sur le Burundi et que le gouvernement a dénoncé à maintes reprises car fondés des allégations inventées. Durant le travail de recherche effectué sur le Burundi, le rapport reconnaît qu'une mission a été déployée du 14 au 24 mars 2016 au Burundi et à Uganda. Il y a lieu donc de se demander si 10 jours peuvent suffire pour prétendre avoir enquêté sur 24 mois. Il devient dès lors fondé de croire que ce rapport ne fait que s'approprier d'autres rapports publiés avant lui et comme ces derniers ne s'appliquent que sur des témoignages anonymes. Le rapport a un seul objectif, celui de diviser sur base ethnique le peuple burundais et ses institutions de sécurité composées sur base de la constitution et des autres accords conclus entre Burundais. Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba dans sa déclaration faite ce jeudi et non vendredi, comme je le disais dans les titres. Les violences basées sur le genre continuent à croître en nombre dans les zones de Kinama, Cibitoke et Kamenge de la commune Nangwa, mairie de Bujumbura. Cela a été dit par Espérance Nirameba, présidente de la Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme. Elle ajoute que l'augmentation des synergies vient en aide à cette lutte pour éradiquer ces violences. Ce vendredi, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Alida Naiketsa. Dans la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, la sensibilisation et les formations ont été délivrées aux acteurs de changement, comme le fait savoir Espérance Nira Meba, présidente de l'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme. Elle indique que les chiffres des zones de Chibitoke, Kamenge et Kinama n'ont cessé d'augmenter. On a trouvé que 75% de ces cas correspondent aux abus sexuels. 61% sont liés aux violences conjugales et 37% est un chiffre qui montre les violences domestiques. L'étape remarquable pour la lutte contre les violences, c'est l'augmentation des synergies qui viennent en aide à ces femmes. Je ne dirais pas qu'il y a eu une avancée, mais beaucoup de femmes viennent en aide à leurs sœurs qui sont violentées. On se félicite également du changement de comportement par les sensibilisations. On remarque l'augmentation des synergies qui luttent contre ces violences. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sera célébrée le 2 décembre à Muramvya. Merci Alida. Et l'association ONLCT qui lutte contre le trafic des êtres humains dénonce les violences faites aux femmes aux Burundaises qui travaillent dans les pays arabes comme filles de ménage. Prime Mbarwukeye, président de cette association, parle d'une fille de l'un des quartiers de la capitale Bujumbura, récemment rentrée d'Oman, étant paralysée. Il demande au gouvernement burundais de suivre de près ces filles de ménage qui ont été envoyées illégalement travailler dans les pays arabes et si besoin il y a de les rapatrier. On l'écoute. Une fillette vient d'atterrir ce 24 novembre 2016 à l'aéroport international de Bujumbura en provenance de l'Oman. Mais malheureusement, elle est revenue étant paralysée et acquisant une déficience mentale hors du commun. Raison pour laquelle, justement, nous demandons que devant cette situation, quand la femme est violentée ou comment je dirais, est victime de toutes les violences, et nous pensons et nous voudrions demander au gouvernement de tout mettre en œuvre pour rapatrier les victimes de la traite des personnes, dont certaines d'entre elles vivent actuellement dans les engrenages du trafic des êtres humains et dans les pays du Golfe. Deuxièmement, nous voudrions demander au gouvernement de combattre par le biais du protocole de la CIRGL sur la coopération judiciaire, les violences basées sur le genre, dont la traite des personnes, et développer la coopération transfrontalière en matière d'extradition, d'enquête judiciaire et de poursuite des auteurs de la traite des personnes dans la région des Grands Lacs. Quel conseil est donné à vous aux parents ou bien à ces enfants qui croient qu'aller à l'étranger est un bien pour eux? Nous voudrions conseiller aux parents des enfants de rester assidus à l'éducation de leurs enfants parce que ce sont leurs enfants, leurs propres enfants, ils sont appelés à les éduquer. Mais malheureusement, nous constatons ces derniers temps que certains parents commencent vraiment à démissionner par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et raison pour laquelle vous allez trouver que certains enfants, puisqu'ils ne sont pas sous la haute surveillance ou sous la haute responsabilité de leurs parents, ils se plaisent à tomber dans les mailles du filet des trafiquants. Il y a une crise des forces chez les enfants ou chez les jeunes aujourd'hui, raison pour laquelle nous voudrions leur demander de rester calmes et de chercher leur vie à l'école et de chercher leur avenir à l'école. Prime Mbarwukeye, c'est le président de l'association de lutte contre le trafic des êtres humains et il y répondait aux questions de Gildas Rouberingabo. Il est 13h04 à Bujumbura, vous êtes branché sur Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, la police de Rutovu en province Bururi a pu récupérer ce mercredi un écolier qui avait été kidnappé à Rutovu depuis un mois. Cet enfant de 7 ans a été retrouvé en commune Gishuwi de la province de Gitega alors qu'il était employé dans des travaux très durs pour son âge. Son ravisseur a pu passer dans les mailles de filet de la police à Bururi, comme le rapporte notre correspondant Jean-Pierre Misago. Les informations recueillies parmi les voisins de la victime au chef-lieu de la commune Rutovu, confirmées par la police à Bururi, indiquent que cet écolier de 7 ans a été kidnappé le matin du 26 octobre dernier, alors qu'il se rendait à l'école. Ndayishimiye Firmin, son ravisseur, est un ex-domestique dans la famille de la victime qui déclare qu'il avait abandonné son travail pour mauvais comportement avec des impayés évalués à 30 000 francs burundais. Il a trompé la victime victime que son oncle recherchait pour lui donner des habits. Selon les déclarations de la victime, ce jeune garçon a déclaré à la police de Rutovu que Ndayishimiye Firmin l'a hébergé chez sa sœur à Kiruhira, en commune Kishubi de la province de Gitega, qui l'a traité comme un esclave avec des travaux durs et quelquefois des coups de bâton. L'emplacement du téléphone utilisé par Firmin a guidé la police de Rutovu, accompagnée de la mère de la victime, à pouvoir le retrouver. La femme qui l'hébergeait a été arrêtée puis retenue au cachot de Gishubi, alors que le ravisseur qui exigeait dans un premier temps 500 000 francs burundais puis 1 million de francs burundais pour libérer ce jeune garçon restait introuvable selon la police à Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Et deux personnes ont été blessées au cours des échauffourées qui ont surgi au village 5 de la commune Gihanga dans la province de Bubanza au cours de cette nuit. Les habitants de ce village réclamaient l'arrestation immédiate de Hakizimana Jean, représentant des jeunes affiliés au parti au pouvoir, qui avait disparu depuis la mort de Niyonsaba Faustin, un élève qui a été battu à mort la semaine passée. Spes Caritas Kavanyana. C'est le soir de ce jeudi que Hakizimana Jean, représentant les jeunes affiliés au parti au pouvoir, est réapparu dans le village 5 de la commune Gihanga après la mort d'un élève, Niyonsaba Faustin, qui a été battu à mort par des gens qui étaient en patrouille selon les témoins sur place. C'était la semaine passée. Sept suspects sont encore dans les mains de la police. Les habitants de ce village réclamaient donc auprès de la police l'arrestation immédiate de ce jeune homme accusé de complicité dans le crime commis la semaine passée. Les policiers ont essayé d'expliquer que c'était tard d'arrêter quelqu'un. Ce qu'ils réclamaient pourrait se faire ce vendredi, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Et les policiers ont finalement tiré pour disperser la foule, comme le témoignent les habitants du village 5. Deux victimes blessées grièvement ont été enregistrées, dont une femme et un enfant. Ce vendredi, toutes les autorités provinciales, de la justice, de la police et de l'administration sont descendus sur terrain au village 5 pour une réunion de pacification. Merci Spes Caritas Kavanyana pour tous ces détails. 15 kg d'or sont exportés chaque semaine depuis l'amendement du code minier. L'annonce est du directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, OBM. Jean-Claude Ndouayo souligne qu'une vente illicite des minerais burundais serait liée à une taxe qui était élevée avant cet amendement. Jean-Claude Ndouayo ajoute que les minerais exploités au Burundi ne sont pas rentabilisés. Les minerais qui sont exploités au Burundi ne sont pas rentabilisés. Le Burundi manque de devises, alors qu'il y a des minerais en provenance du pays qui sont vendus dans les pays limitrophes. Pour juguler à ce problème, le gouvernement a décidé de créer l'Office burundais des mines et carrières. Le léger mieux que l'Office burundais des mines et carrières va amener, c'est qu'il travaille en collaboration avec d'abord l'administration locale, les exploitants, l'OBR, et la police. On a déjà franchi un grand pas dans la limitation de fraude. Je vous donnerai l'exemple de Muyinga où on a déjà attrapé pas mal de minerais qui allaient être vendus d'une façon frauduleuse. Pourquoi une telle vente frauduleuse selon vous? Nous aussi ne comprenons pas. Je pense que la population n'est pas bien informée. C'est pourquoi nous continuons à sensibiliser. Mais il y a d'autres qui le font sciemment. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être aussi que ce sont les pays voisins qui essaient de les tromper. Et ils acceptent de vendre les minerais dans ces pays. Mais en ce qui concerne l'or, ce qu'on sait, c'est que les commerçants avaient peur parce que la taxe était un peu élevée, mais il y a eu amendement du code minier en ce qui concerne cette taxe. Et maintenant, chaque semaine, il y a au moins une vente de 15 kg d'or qui sont exportés à l'extérieur du pays. Que peut dire l'OBM sur ce commerce qui serait fait par de hautes personnalités de ce pays? Moi, je ne dirais pas qu'il y a des hautes personnalités qui sont citées, mais il y a des hautes personnalités qui sont très supposées. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent faire des magouilles, ils disent qu'il y a quelqu'un derrière. Au niveau de l'OBM, ce que nous faisons, nous n'acceptons pas celui qui dit qu'il y a quelqu'un derrière. Mais nous lui demandons de nous dire c'est qui. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore eu aucun nom d'une personnalité ou d'une haute personnalité qui serait derrière l'exploitation ou la vente illégale des minéraux. Aujourd'hui, le pays manque des devises. Peut-on dire que avec le travail de l'OBM, que le pays pourra s'en sortir avec des recettes qui tirent de la vente de ces minéraux avec la venue de l'OBM? Oui, la vente de l'OBM est à moitié une réponse. Parce que l'OBM est chargé de la gestion et du suivi des activités minières. C'est-à-dire qu'on fait le suivi de l'extraction des minéraux, et puis la vente, l'exportation. Même après l'exportation, on fait le suivi jusqu'au rapatriement des devises. L'OBM a des moyens, de la force pour réprimander ceux qui font le trafic de ces minéraux alors que le pays en a fortement besoin. La force de l'OBM se manifeste dans sa structure et dans sa mode de gestion. C'était Jean-Claude Ndouayo, c'est le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, OBM, qui répondait aux questions de Mireille Kanyang. Il est 13h11 à Bujumbura. Justice à présent, le procès des accusés dans l'assassinat du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana se poursuit à Gitega par le parquet de Nangwa, mairie de Bujumbura. Les magistrats debout sont en itinérance, précisément à la prison centrale de Gitega où sont incarcérés ces prévenus dans cette affaire. Il est prévu que 4 parmi les 8 soient écoutés ce vendredi alors que 4 autres ont été entendus hier jeudi. Les avocats de la défense précisent qu'il reviendra au tribunal de grande instance de Nangwa de fixer la date pour les plaidoiries dans le fond de l'affaire, puisque ce dossier se trouve toujours dans sa phase de complément d'enquête. Précisons que le lieutenant-général Adolphe Nshimirimana a été tué le matin du 2 août 2015 sur la jonction du boulevard du 28 novembre et la gare du Nord en zone urbaine de Kamenge. Il travaillait au cabinet du président de la République lors de son assassinat et précisons aussi qu'il avait dirigé le service national des renseignements. Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, la grêle a endommagé différentes cultures sur les collines Mureba, Kiwimba, Mumbu de la commune Rusaka en province Mwaro dans l'après-midi de ce jeudi. 490 ménages ont été affectés par cette grêle. L'administration de la commune Rusaka dit que cela vient aggraver la famine qui sévit déjà dans les ménages de cette commune. Et des pluies diluviennes mêlées de grêle ont endommagé des champs de maïs, de pommes de terre, des légumes, des patates douces sur les collines Mubira. Une partie de Ruhinga et une partie de Mukike en commune de Mugamba. Nous sommes dans la province de Bururi. C'était l'après-midi de ce jeudi. Les populations victimes de ces intempéries demandent d'être assistées. Et c'est de la grogne des vendeurs de viande de bœuf au chef-lieu de la province Ngozi suite à la faible affluence des consommateurs de ce produit. À l'origine, le prix d'un kilogramme de viande a été revu à la hausse, passant de 5 500 ou 6 000 francs burundais à 7 000 francs bou actuellement. Apollinaire Mozagara. Les commerçants déplorent que l'affluence des acheteurs de viande a fortement chuté après cette hausse du prix d'un kilo de viande. Des querelles entre les vendeurs de brochettes et les consommateurs se font parler d'elles également, étant donné que ces premiers ont diminué la quantité de viande dès la hausse de son prix d'un kilo. À l'origine de tout cela, la montée du prix de la vache au marché régional de Viego en province Ngozi est montée due en premier lieu au fait que les éleveurs ont vendu presque leurs troupeaux au marché, préférant garder une ou deux vaches seulement pouvant être nourris dans leurs étables. Et cela depuis la mesure interdisant les éleveurs de ne plus laisser leurs troupeaux brouter de l'herbe dans la nature et de les garder plutôt à la maison. L'autre raison de cette grimpée du prix de la vache est la présence de bon nombre de Congolais dans ce marché d'Ngozi, fournissant des dollars d'après ses commerces. L'administration salue plutôt cette mesure de nourrir les bêtes à la maison, indiquant que cela disponibilise du fumier, ce qui augmente selon elle le rendement agricole dans les ménages. Selon le gouverneur, la rentabilité est bonne chez quelqu'un qui n'a que deux vaches par rapport à celui possédant un troupeau. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Une nouvelle brève nationale avant l'actualité internationale. Les bateaux de transport faisant la liaison Rumonge et la République démocratique du Congo n'ont pas accosté au port commercial de Rumonge ce jeudi, comme on en avait l'habitude de le voir. Certains Congolais interrogés au port commercial de Rumonge disent qu'il s'agit d'une façon de protester contre la saisie par la police et l'administration à Rumonge de 660 litres d'essence achetés dans des bidons dans les stations de Rumonge. L'administration explique qu'elle a ainsi réagi dans l'optique de lutter contre la fraude pratiquée par les Congolais sur le carburant. De leur côté, les Congolais expliquent que c'est du carburant utilisé pendant leur voyage, ce que rejette l'administration à Rumonge. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En Angola, 37 anciens combattants de la principale formation de l'opposition UNITA seront jugés ce vendredi pour tentative de coup d'État en début de cette année. Et en Irak, des dizaines de pèlerins chiites ont été tués dans un attentat revendiqué par les djihadistes de l'État islamique. Et au Nigeria, l'armée, accusée d'avoir tué 150 manifestants pro-Biafra, répond à Amnesty International. Gildas Rubéringabo. Au Nigeria, l'armée réquise une campagne de calomnie visant à tenir son image. Cette armée dit que c'est une tentative pure et simple de tenir la réputation des forces de sécurité en général et de l'armée nigériane en particulier. Pour des raisons non encore expliquées, dénonce le communiqué de l'armée nigériane. Comme on le lit sur le site web de Africa News, l'ONG constate également des exécutions extrajudiciaires massives commises par les forces de sécurité, dont au moins 60 personnes tuées par balle en l'espace de 2 jours. Dans le cadre des événements marquant la fête nationale du Biafra. L'une des inquiétudes de l'ONG, c'est qu'aucune enquête n'a été ouverte jusque-là pour punir les responsables de ces présumées exactions. En Irak, un attentat au camion piégé revendiqué par les djihadistes de l'organisation État islamique a fait 70 morts, principalement des pèlerins chiites iraniens, ce jeudi 24 novembre dans la ville d'Oïla, au sud de Bagdad, la capitale irakienne. Selon le site web de la RFI, alors que sa capitale autoproclamée en Irak est désormais encerclée par l'armée irakienne alliée aux milices kurdes chiites. Le groupe État islamique a intensifié ses attentats ces dernières semaines dans des régions en dehors de son contrôle. Et enfin, en Angola, la presse angolaise a révélé que 37 opposants de l'opposition UNITA sont accusés d'avoir planifié une agression armée contre le palais présidentiel à Luanda et une occupation des locaux de la radio-télévision nationale au début de l'année. Sur le site web de BBC Afrique, on remarque que lors d'une conférence de presse, l'UNITA a rejeté ces accusations. Le procureur a expliqué que l'affaire avait été tenue secrète pendant un certain temps pour éviter une spéculation inutile et la panique au sein de la population. Des observateurs signalent que ce procès intervient moins d'une année avant l'élection présidentielle à laquelle Eduardo Dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, devrait se présenter. Merci Gildas. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le gouvernement du Burundi rejette le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH rendu public le 15 novembre dernier faisant état de graves violations des droits de l'homme depuis le déclenchement de la crise au Burundi en avril 2015. Dans une déclaration faite ce jeudi, le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba qualifie ce document d'insultant pour le Burundi. Et c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Une des associations nationales de lutte contre ce fléau affirme que le nombre de victimes de ce genre d'abus va croissant, surtout dans les zones de Kinama, Chivitoke et Kamenge, en mairie de Bujumbura. Et une fille originaire d'un quartier de la capitale, Bujumbura, est récemment rentrée paralysée en provenance d'Oman. Une association locale de lutte contre le trafic des êtres humains demande au gouvernement de suivre de près le mouvement des filles envoyées dans les pays arabes. Et d'intenses pluies mêlées de grêle tombées l'après-midi de ce jeudi dans les communes Rusaka et Mugamba, respectivement en Ngaro et Bururi, ont endommagé les cultures. Les victimes de ces intempéries demandent de l'assistance. Et un garçon de 7 ans qui avait été kidnappé à Rutovu il y a un mois a été récupéré en commune Gishubi par la police de Rutovu, mais Socor regrette de n'avoir pas pu mettre la main sur les ravisseurs de cet écolier. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Toussaint Mitebotsi. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.